Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Technique arrangée. Tunasema karibu kwa kikosi chetu kya majeshi kilichoongozwa na jemadari wetu mchungaji Son. Nous disons bienvenue à tous nos commandos qui étaient conduits par notre général. Est-ce que nous pouvons accueillir nos pasteurs? Accueillons notre papa. Tous les pasteurs qui étaient avec lui, accueillons-les également. Je pense qu'ils auront le temps de nous dire comment les choses se sont passées. J'étais avec notre papa, il m'a parlé un peu. Et ses paroles ont touché mon cœur. Réellement, le travail est immense. Odey, je changeais avec Papa David, le président de la chorale. Et ensemble, nous avions conclu que le travail est grand. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour nous ici. Le pasteur a rencontré un enfant de 21 ans qui avait 10 enfants. Et c'est la vie normale de ce côté-là. Un enfant de 12 ans peut avoir 4 enfants chez lui. Et les gens sont extrêmement pauvres. Vraiment, il y a du travail de l'autre côté. Amen, amen. Amen. Naamini roho ya mission ni sherti iwe sehemu yetu. Et que l'esprit de la mission soit notre part. Kama hatutaenda tutoe mali ipeleke neno la Bwana ufalme wa Mungu uene huko. Si nous, nous ne partons pas, envoyons même nos finances. Et ce qui m'a touché quand je parlais avec notre papa. La plupart de nos dirigeants proviennent des lieux pareils. Dans ces sociétés détruites. Et le résultat qu'ils arrivent à produire, ça ne construit pas le pays. C'est pourquoi, Église, lèvons-nous pour accomplir la mission. Ne cesse pas de prier pour nos missionnaires. Le travail est grand. Les gens ont pris la sorcellerie comme leur source. Ceux qui veulent réussir dans la vie, ils font recours aux fétichères. Tous ceux qui veulent entreprendre, ils ne font que recourir aux fétichères. Dieu est si loin de ces lieux. Alors que Dieu aime ces gens et il est mort à la croix pour eux. Nous bénissons Dieu pour ce voyage que nous avions commencé. Et on nous parle du jour au lendemain sur nos élévations multiples. Et nous sommes en train de comprendre comment nous pouvons vivre dans nos élévations multiples. Iyo juma nye ilipita dimanche ametubariki kabisa na iyo neno nzuri sana. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a bénis par une très bonne parole. Iliyo kwa inatuleta kuelewa hali ya kuishi katika roho ya unyenyekevu. Qui nous amenait à vivre en toute humilité. Kwa sababu hii inafanya ya kwamba tunapokuwa na hii hali Mungu anatuinua. Lorsque nous sommes humbles, le Seigneur nous élève. Neno la Mungu linasema Mungu anawapinga wenye kiburi. La Bible dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Kuna upinzani mwingine ambao Mungu yeye mwenyewe anampinga mtu. Il y a une opposition où c'est Dieu qui amène l'auteur. Na hakika Mungu akikupinga. Et si Dieu s'oppose à toi? Hakuna anayeweza kukusaidia. Personne ne peut te venir en aide. Ama Mungu ndio mwenyewe anakuresiste. Si c'est Dieu qui te résiste. Hakuna mwenyewe anaweza kukupandisha. Il y a personne qui peut te relever. Ama Mungu ndio yuko anakulaani. Si c'est Dieu qui te maudit. Aucun pasteur ne peut te délivrer. Si le diable te maudit, Dieu peut ôter cette malédiction. C'est pourquoi nous devons développer la chose. C'est pas une faiblesse. C'est la qualité de tout enfant de Dieu. La parole de Dieu nous montre comment Jésus lui-même. Il était comme Dieu. Mais il s'est rabaissé. Il n'a pas été rabaissé, mais il a pris l'initiative de se rabaisser. Jusqu'au point de devenir comme un homme ordinaire. Mais c'était un Dieu 100%. À cause de cela, parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu peut t'élever si tu t'humilies. Et il te fait monter dans les hauteurs. Plus haut à une extrême dimension. La femme de David n'a pas compris ce secret. Lorsque David faisait preuve de son humilité devant Dieu, il dansait avec tout le peuple louant Dieu. Sa femme Michal lui dit, avec tout mépris, tu es quel genre de roi? Tu étais comme un homme ordinaire. Tu dansais avec le bas peuple. Et même tes vêtements sautaient. Et David a dit, c'est devant Dieu qui m'a élevé à la place de ton père. Et je vais continuer à diminuer encore davantage devant ces yeux. Bien-aimés, humilions-nous devant la main puissante de Dieu. Parce que la main de Dieu va t'élever. Et nous voulons parler de la deuxième qualité. La deuxième qualité que nous devons développer en nous. Le monde nous a détruits. Dieu t'a bien créé. Mais le monde nous a déformés. Nous avons perdu l'image de Dieu. Nous avons perdu les caractères de Dieu. Et nous avons adopté les caractères du monde. Alors que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons faire croître les caractères des enfants de Dieu en nous. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Et aujourd'hui nous voulons dire au sujet de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu comme garantie de notre élévation. Bien-aimés, il y a des choses. Si ces choses manquent, Tu ne peux pas recevoir une bonne recette. Lorsqu'une maman veut préparer, elle sait que le menu que je vais préparer, pour que ça soit agréable, elle sait qu'il faut quelle huile, elle sait qu'il faut des oignons, elle maîtrise tous les ingrédients nécessaires. Si ces choses manquent, ta recette ne sera pas bonne. Et ce que nous voulons, et nous voulons parler de la crainte de Dieu, garantie de notre élévation. Bien-aimés, craignons Dieu. C'est ce qui fera que même lorsque Dieu t'a élevé, même lorsque tu seras dans les hauteurs, il n'y aura pas la peur de rechuter au banc de l'échec. Tu peux être élevé par la grâce de Dieu, mais ce sont tes caractères divins qui vont te maintenir dans les hauteurs. Tu peux monter parce que Dieu t'a fait grâce, mais ce sont tes caractères qui vont causer ta chute jusqu'au banc de l'échec. Nous sommes dans ce monde, nous voyons ces choses. Nombreux ont reçu la grâce d'être élevés, mais leur caractère les a ramenés au bas de l'échec. Nombreux ont été élevés professionnellement, mais ils ont rechuté. Dans le ministère, nombreux ont été élevés, mais leur caractère les a fait rechuter. Nombreux ont été élevés dans le mariage, mais leur caractère leur a fait perdre ce qu'ils ont réussi. L'une des choses qui se perd dans le cœur des enfants de Dieu, et le diable combat cela atrocement, c'est ôter à nous la crainte de Dieu. Que nous vivions avec Dieu comme le grand-père. Vivre avec Dieu sans pour autant le connaître. Le fait de ne pas craindre Dieu prouve réellement combien nous ne les connaissons pas. Prenons un exemple. Qui peut s'approcher d'un éléphant et badiner avec? Parmi nous ici. Qui peut s'approcher d'un éléphant? Nous n'allons pas l'approcher. Pourquoi tu ne vas pas badiner avec? Parce que nous les craignons. Nous savons de quoi il est capable. Lorsque nous ne connaissons pas qui est Dieu, lorsque nous ne comprenons pas qui nous avions cru, lorsque nous ne savons pas avec qui nous marchons, lorsque nous ignorons que lorsque nous avions crié en Jésus, il nous amène auprès de qui? La crainte de Dieu va disparaître dans nos cœurs. Nous allons lire juste les deux portions de l'Écriture pour introduire. Et nous lirons autre chose. Nous lisons d'abord Ecclésiaste chapitre 15. Tout ce qui est maneno ya mwisho, Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Maneno shauri ambayo l'homme le plus élevé Salomon, Ecclésiaste 12 15. Nous voulons écouter. Anafanya conclusion ya maisha yake. La conclusion de la vie de Salomon. Du roi Salomon. Mwanaume ambaye alipata hekima, ambaye aliinuliwa, ambaye alitajirika, mwanaume ambaye alipata kugusa katika viwango vyote vyenye mwanadamu anaweza kujipermettre hapa kudunia. Cet homme qui a été tellement élevé et qui a touché à toutes les meilleures choses qui puissent exister au monde. Dans le monde des femmes, il est allé jusqu'à 1000. Dans le monde des maisons, n'en parlons pas. C'est un homme qui a fait des choses extraordinaires. C'est un homme qui a expérimenté beaucoup de choses. Mais la conclusion de sa vie, la conclusion de son expérience, c'est ce qui est contenu au verset 15 et 16. La conclusion de toute sa vie est sur ces versets. Écoutons la fin du discours. Ce qu'il disait, ni mwisho ya utuba. Crains Dieu. Ogopa Mungu. Et observe ses commandements. Na shika sheria zake. Cela, c'est ce que doit faire tout homme. Niyo kila mtu anapaswa fanya. Tout homme. Kila mtu. Kila mwanamke. Anapaswa kuogopa Mungu. Doit craindre Dieu. Na kumutii Mungu. Et lui obéir. Verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Mana Mungu atahukumu kila tendo. Au sujet de tout ce qui est caché. Yote inayofichwa. Soit bien. Iwe nzuri. Soit mal. Iwe mbaya. Salomon ameandikia juu ya kifo, ameandikia vitu vyote hivi. Salomon a écrit sur beaucoup de choses. Il ne nous a pas dit craignez la mort. Il a observé la mort, il a écrit même au sujet de la mort. Mais Salomon nous met devant une réalité que l'homme peut rencontrer quand il vit dans ce monde. C'est que tout habitant de la terre doit comprendre, c'est de savoir craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Si nous essayons de définir cela, c'est un état d'esprit qui nous fait échanger nos comportements. Ni hali ya roho inayobadili tabia zetu. Notre volonté. Kutaka kwetu. Nos sentiments. Hisia zetu. Nos actes. Matendo yetu. Et nos objectifs. Na hata malengo yetu. Contre ceux de Dieu. Na inayokuwa kinyume. Ni hali ile ya kubadili. C'est un état de changement. Hisia yetu. Changer nos sentiments. Volonté. Matendo yetu. Nos actes. Malengo yetu. Nos objectifs. Par rapport à la volonté de Dieu. Ukitaka kuelewa hiyo vizuri unakamata Psaume 42 verset 2. Psaume 42 verset 2 ça éclaire cela. Tusikie na Yesu sasa alizungumza nini kuhusu tu woga wa Mungu. Qu'est-ce que Jésus nous dit au sujet de la crainte de Dieu? Hata Yesu alifundisha katika mahubiri zake. Même Jésus a enseigné. Wanafunzi kuhusu neno hili kumwogopa Mungu. Jésus a enseigné sur la crainte de Dieu. 26 à 28. Matthieu 10 26 à 28. Matayo 10 26 hadi 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Ne vantons pas de pas zéro pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Amen. Bwana Yesu akaangalia wanafunzi walikuwa wakiogopa. Jésus a trouvé que ses disciples craignaient. Walikuwa wakiogopa menaces za wanadamu. Ils craignaient le menace des hommes. Na hapa deja alikuwa na watosha waache ile hali ya kuogopa binadamu. Et il les amenait à la dimension de ne pas craindre les hommes. Sababu woga wa binadamu inakuwa na matunda inayoitwa unafiki. Lorsque tu commences à craindre les hommes, tu deviens hypocrite. Mbele ya mwanadamu utakuwa na comportement ingine, na kwenye ule mwanadamu haiko unakuwa na comportement ingine, hii inaitwa hypocrisie. Devant l'homme que tu crains, tu auras un comportement, et quand tu n'es pas là, tu adoptes un autre comportement. Ukiogopa Mungu, si tu crains Dieu, utajua kwamba kule kusiri Mungu anakuona. Tu sauras que même dans le secret, Dieu te voit. Hautakuwa na bezwe mwanadamu yule ambao unamwogopa, saa zingine ni mzazi. Tu n'auras pas besoin de celui que tu crains comme le parent. Unaona par exemple ndani ya makazi kama chef yuko, utaona batu banafanya kazi, bako na motivation ya kufanya kazi, bajioneshe mbele ya chef. Dans le lieu professionnel, lorsque le chef est là, c'est tous les ouvriers qui travaillent ardemment et prouvent au chef que nous travaillons réellement. Mais lorsque le chef n'est pas là, les ouvriers ne travaillent pas. Ça, c'est la hypocrisie. Et ce n'est pas un bon comportement des enfants de Dieu. Tunapaswa kumanifester hali ile ile nzuri mbele ya yule mtu au kama yule mtu hayupo. Nous devons être justes quand cet homme est là et même lorsqu'il n'est pas là. Hivi katika somo hii Yesu kwanza alikuwa anataka kuondoa woga mubaya. Jésus voulait briser la peur. Woga mubaya. Une mauvaise peur. Kuogopa watu. Craindre les hommes. Kuogopa maisha. Craindre la vie. Kuogopa hiki na kile. Craindre les choses de ce monde. Masanamu. Craindre les statues. Tunajua ya kwamba kile kiliacha Abraham anapana Sara. Abraham alipopana Sara alikuwa motivé par la paix. Lorsqu'Abraham a donné Sarah, il avait six pères. Akamwambia Sara. Il dit à Sarah, watu wa hii mgini, les gens de ce pays hawaogope Mungu, ne craignent pas Dieu. Bakijua huko mke wangu, s'ils découvrent que tu es ma femme, uwa, ils vont me tuer. Tafadhali basi, tant mieux. Sema, we ni dada yangu. Dieu que tu es ma sœur. Na hii ndio iliacha mfalme wa Gerari anamubeba Sara. Et c'est ce qui a fait casser que le roi de Gerar prenne Sarah. Kwa sababu gani Abraham alikuwa anasikia uoga? Abraham avait peur. Si nous devenons peur, une peur qui n'est pas la peur de Dieu, ça nous amènera à faire de mauvaises choses. Au-delà de devenir hypocrite, nous allons faire des choses atroces. Plusieurs, lorsque nous voyons notre avenir, notre vie du lendemain, la vie est caractérisée par beaucoup d'incertitudes. Même lorsque tu veux te marier, tu ne peux pas être sûr à 100% que tu as trouvé la bonne personne. Plusieurs tardent à se marier parce qu'ils attendent la prophétie qui va déterminer à 100% la femme ou l'homme de la vie. Na Mungu tangia tulimushitaki kwa njia ya Adamu ya kwamba wewe ndio ulinipa huyu mwanamke. Et nous, lorsque nous avions nous nous sommes plaints devant Dieu pour dire c'est toi qui m'as donné cette femme. Mungu hazoe kuingilia sana maneno ya kuoa ya watu, anataka itoke kwa roho ya mtu. Dieu ne s'improvise pas dans le domaine du choix. Ukiende kumushika kesho mihali, ah Mungu wewe ndio ulinipaka huyu viani. Il ne fait pas. Wewe ndio ulinipaka huyu pate. Il ne fait. Wewe ndio ulinipaka huyu Piero. Dieu ne veut pas qu'il soit victime des plaintes. C'est pourquoi il te laisse la responsabilité que toi seul tu aimes et que tu décides. Ninawaambia hawa watumishi wangeogopa habari za njia ya Wambororo, hawangetoka humu waende kufanya misheni. Si nos pasteurs avaient peur des milices qui sont de l'autre côté, ils n'allaient pas partir en mission. La peur peut nous amener à ne pas accomplir ce que nous devrions faire. Et Jésus dit, ne craignez pas ces gens. Ne craignez pas ce qui peut détruire le corps. Aujourd'hui, Corona effraie le monde entier. Au lieu que les gens craignent Dieu, les gens craignent Corona. Si Corona tue, ça ne va tuer que le corps. Le corps, c'est cette épave dans laquelle nous sommes. Après que Corona ait détruit le corps, il ne peut pas tuer l'âme. Jésus dit, craignez Dieu, parce que Dieu est capable de tuer et le corps, et de prendre l'âme et le jeter dans le feu. La maladie peut tuer. Mais la maladie n'a pas du pouvoir après que tu sois mort. Mais après que tu sois mort, Dieu a le pouvoir. Craignons Dieu bien-aimé. Dieu est capable, même lorsqu'on te dépose vers le cimetière, il te dit, tu n'auras pas du repos même dans le cimetière. C'est pour cela que nous devons craindre Dieu, peuple de Dieu. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Il y a quelques raisons qui nous amènent à craindre Dieu. Craindre Dieu. Lorsque quelqu'un craint Dieu, Proverbe 8:13. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Haïr le mal. La plupart des fois, si tu es toi, Mungu. La plupart des fois, nous, enfants de Dieu, nous ne nous exerçons pas à haïr le mal. Mais c'est comme si nous dorlotons le mal, le péché, et que nous les aimons. Mais ici la Bible dit craindre Dieu, c'est haïr le mal. Lorsque tu crains Dieu, ça te communique la sagesse. Proverbe 28:28. Troisième chose, craindre Dieu, c'est un trésor pour la vie. Ésaïe 33:6. Celui qui craint Dieu, il a un trésor avec lequel il vit. Si tu crains Dieu, tu as un trésor dans ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 33:6. Tes jours seront ainsi l'été. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Woga wa Mungu utakuwa utajiri wa Sayuni. Utajiri wa Sayuni ni kumwogopa Mungu. Que ton trésor ne soit pas le nombre de tes voyages. Que ton trésor ne soit pas ton mariage. Que le trésor de ta vie soit celui de craindre Dieu. Autre chose au sujet de la crainte de Dieu, craindre Dieu, c'est une source de vie. Celui qui craint Dieu, il a la source de la vie. Proverbe 14:27. Mezali 14:27. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner de pièges de la mort. Amen. La vie est caractérisée par de pièges de mort. La mort te piège de gauche à droite. La mort peut te rechercher par la maladie, l'accident, la sorcellerie, les ennemis. La mort peut te chercher afin de t'engloutir. Mais lorsque tu t'exerces à craindre Dieu, ça te rassure la vie. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans le péché, nous ouvrons la porte à la mort physique. Jean a écrit en disant qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort. Quand tu vis sans craindre Dieu, tu vas ouvrir la porte même à la mort physique. Parlant, la crainte de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Dieu oblige à tout être humain de les craindre. Deutéronome chapitre 13, verset 4. Deutéronome chapitre 13, le quatrième verset. Karibu. Mungu anaipana kama shurti, kama amri. La Bible dit, ni kusema, hakuna kusema negotiation, tunapashwa tumuogope Mungu. Nous n'avons pas négocié, nous devons craindre Dieu. Deutéronome 13, 4 dit, vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous les craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous les servirez et vous vous attacherez à lui, parole du Seigneur. Amen. Nous devons obéir à cet appel de craindre Dieu. Ogopa Mungu, hautakuwa na bezo ya kuhangaika, utakuwa na silence ya maisha. Utatulia, jitalala, utalala kwa usingizi. Unajua Mungu, l'ange de l'Éternel, campe tout autour de qui? Si tu t'exerces à craindre Dieu, tu n'auras pas peur de la vie ni des problèmes. Lorsque tu crains Dieu, tu vas rester calme car il y a des anges qui prennent soin de toi. Sois calme. Laisse que Dieu veille sur ta vie. Quelques éléments qui motivent la crainte de Dieu. Ce qui nous motive à craindre Dieu. Premièrement, la sainteté de Dieu. Apocalypse chapitre 15, le quatrième verset. Utakatifu wa Mungu ni ile motivation inapashwa kutusukuma kumwogopa Mungu. La sainteté de Dieu nous pousse à les craindre. La Bible dit, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. À cause de la sainteté de Dieu, nous les craignons. Deuxièmement, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu nous pousse à les craindre. Troisième chose, c'est la bonté de Dieu. 1 Samuel 12, 24. Quand tu vois la bonté de Dieu, Dieu parlait aux enfants d'Israël. Je vous ai tiré de l'esclavage en Égypte. Je vous ai donné un héritage. Quatrième chose qui nous pousse à craindre Dieu, le pardon que nous obtenons de Dieu. Zaburi 130, verset 4. Il n'y a que Dieu qui nous accorde le pardon. Lorsque nous nous approchons de lui par la prière, Dieu pardonne nos péchés. Et ça nous pousse à les craindre. Somme 130, verset 4. Mwenye kuandika andika vile vile, Josué 4, verset 23 à 24. Dans Josué, on parle également des œuvres de Dieu. La Bible dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Amen. Amen. Le pardon ne se trouve qu'auprès de Dieu. Kama ulifanya dhambi, ukikuja kwa Mungu, unamwambia nisamehe, atakusamehe. Kwa sababu ya ile msamaha ulipata, jifunze kuogopa Mungu mwenye kusamehe dhambi zako. Lorsque tu as péché contre Dieu, si tu t'approches de lui et demandes pardon sincèrement, l'Éternel va te pardonner. Et vis le pardon de Dieu, nous devons être motivés à les craindre. Dans Josué 4, 24, natuambia hivi. Dans Josué 23-24, la Bible dit, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de votre Dieu. Ce qui nous motive encore, peut-être pas le temps de vous chiter. Là, nous allons chiter. Et c'est ce que Salomon parlait. C'est de savoir le jugement venir. Notre vie sur cette terre va se terminer au jour du jugement. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, étant dans ce corps, sera jugé à deux dimensions. Primo, ça sera le jugement de ceux qui n'ont pas crié Dieu. Tunaenda kamata ile ndani ya Apocalypse chapitre 20 Ufunuo 12. Inaonesha jugement. Ces versets montrent les jugements. 11. Apocalypse chapitre 20 verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver des places pour eux. Amen. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et le petit, qui s'étenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. Et la mort et les séjours des morts firent jeter dans les temps des fées, et la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de fées. Amen. Nous allons craindre Dieu à cause du jugement. Tout le païen qui refuse la grâce de Jésus, qui refuse Dieu, ils doivent savoir, même s'ils meurent, ils vont ressusciter pour être jugés. Et ici nous écoutons le jugement sera atroce, il n'y aura pas de pardon. C'est un jugement de ceux qui ne craignent, ne croient pas Dieu. Toi et moi, nous ne faisons pas partie de ces gens. Ça, c'est la part de ceux qui ont refusé la grâce dans ce monde. Là où nous amenons les gens au sépulcre, si la personne s'est noyée, là où les gens ont été enterrés, ils vont quitter. Et ils iront être jugés. Même le diable sera jugé. La mort sera jugée. Le séjour des morts sera jugé. Ce monde sera jugé. Et toutes ces choses seront jetées au feu. Bien-aimés, nous sommes invités à craindre Dieu à cause de ses jugements. Deuxième jugement, c'est nous, l'Église. Nous ne serons pas jugés pour être jetés au feu. Nous serons jugés à cause. Nous serons jugés pour être payés, récompensés. Nous serons jugés pour la récompense. 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 10 et suivant. Mais aussi 2 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 et suivant. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent et de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Tu entres au ciel, mais mes brûlures, parce que toutes tes œuvres n'étaient pas fondées. Tu n'as pas condamné à Christ, tu t'as opité à kukumiwa na Christ. Nous ne passerons pas au tribunal des païens. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu à cause de ses jugements. Développons la crainte de Dieu, ça donne beaucoup de bénéfices. Lorsque nous craignons Dieu, il y a beaucoup de bénéfices, je n'aimerais pas en parler maintenant. Il y a beaucoup de bénéfices. Dans Malachie chapitre 3, ces Ceux qui craignent Dieu commençaient à se plaindre pour dire « Nous souffrons, mais apparemment le païen prospère que nous. » Et Dieu dit « Le livre des souvenirs était écrit pour servir ceux qui craignent Dieu. » Il y a un livre des souvenirs. Tu viens à l'église, tu donnes tes offrandes, tu sers Dieu à l'église, tu offres ta vie pour être missionnaire, tu prends le risque comme les hommes de Dieu qui ont pris le risque. Les hommes peuvent oublier, mais dans le livre des souvenirs, ces jours-là, tu seras récompensé. Ces jours-là, tu auras le trône. Bien-aimé, craignant Dieu. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Pourquoi nous ne nous exerçons pas à craindre le mal? Pourquoi le mal nous domine? Pourquoi nous craignons le lendemain? Pourquoi nous craignons les hommes? Dans Ésaïe chapitre 8, Dieu dit, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Ce que les hommes craignent, Corona, toi ne crains pas cela. Toi ne crains pas ce qu'ils craignent. Il n'y a qu'une seule crainte que Dieu te demande ce matin. Ne manque pas cela. Enseigne cela à tes enfants. Rappelons-nous mutuellement cela. Ce que nous faisons ce matin, nous nous exhortons mutuellement dans la crainte de Dieu. Joseph n'avait pas son père en Égypte, mais il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Même lorsque le prêtre est arrivé, la crainte de Dieu l'a sauvé de la chute. Ne sois pas chrétien lorsque nous sommes dans les temples. Ne sois pas chrétien quand tu es devant les serviteurs. Sois chrétien au travail. Sois chrétien au quartier. Sois chrétien à Kampala. Même il suffit que tu sois dit, Seigneur, tu changes totalement. Il y a une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Lorsque tu voyages, ce n'est pas une opportunité de faire n'importe quoi. Que la crainte de Dieu fasse la différence. Que la crainte de Dieu te qualifie. Que ça nous caractérise. Et que ça nous sauve de tout autre péché. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Jésus dit, même ta chevelure ne peut tomber. Lève-nous pour la prière. Disons à Dieu. Tu peux dire à Dieu ce matin, sème la crainte, ta crainte dans mon cœur. Vivre avec la conscience que je vis avec Dieu. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Éternel, aide-nous ce matin. Tu as dit qu'il nous est recommandé tout autre humain de craindre Dieu. Notre vie sur la terre, surtout nous tes serviteurs, nous devons te servir avec crainte et tremblement. C'est pourquoi nous prions que tu ramènes ta crainte dans l'église, dans nos familles, même dans notre pays. ce qui nous dirige, qu'ils aient la crainte. Qu'ils sachent qu'ils vont donner le rapport. Donne-nous à comprendre. À comprendre qu'après cette vie, nous allons donner le rapport. Soutiens-nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la prière pour l'Afrique. Na kuombea Africa. Pour dédier l'Afrique à Dieu. Tumetoa wakfu Afrika mikononi mwa Mungu. À partir du point central de l'Afrique. Kuanzia hapo kwenye kitofu ya Afrika. Qui est à Niangara. Ambapo ni Niangara. Un monument avait été dressé depuis l'époque coloniale à cet endroit-là. Na kuna kuna monima ambayo imejengwa hapo tangu wa koloni. Il y a une conférence qui a été organisée par les pasteurs de la région. Na kuna kongamano imefanyika na wachungaji wa hiyo eneo. Pour tenir cette conférence. Na tumehubiri ndani ya kongamano lile. Et pour clôturer par la prière autour de ce monument. Na tumemalizisha mkutano huo tukiomba kando ya mnara huo. Samedi, siku ya sita, à partir de 8h, kuanzia saa mbili za usubuhi, nous allons faire restitution. Tutawapatia ripoti. Nous invitons tous les professionnels, tunaalika wafanyakazi wote, tous les ouvriers, na watumishi wote. On aura trois choses, tutakuwa na vitu tatu. Une occasion d'action de grâce, tutashukuru Mungu. Vous avez du temps dans la prière pour cette mission. Vous avez prié pour cette mission. Mumeombea kazi hiyo. Et on va avoir un temps d'action de grâce. Tutashukuru Mungu juu ya hiyo. Jambo la pili. Nous allons parler de quelques perspectives à court terme. Tutaongelea mitazamo fulani. Et puis on va passer du temps ensemble. Baadaye tutakuwa na muda wa pamoja. 8h à 10h30. Sambili adi sa ine na nusu. Amen. Amen. Nous transmettons les salutations de Pasteur Olivier et sa femme. Pokeeni salamu za mchungaji Olivier na mke wake. Panyangara. Panyangara. Les salutations de Pasteur Samuel. Salamu za mchungaji Samueli na mke wake vile vile. Tout l'amour des pasteurs de Niangara. Pokeni vile vile upendo ya wachungaji wote walioshiriki kongamano. Certains sont venus de Isiro, d'autres de Bunia, d'autres de Dungu, d'autres sont venus de Bunia Tisej. Wametokea pa maeneo mbalimbali, Bunia Ndugu, Dungu Isiro. Ils ont apprécié notre présence là-bas. Wamebarikiwa na uwepo wetu hapo. Certains désirent même venir vous visiter. Na wanaja hata ya kuja kuwasalimia huko. Amen. Amen. Hebu Mungu atubariki. Ma peuple de Dieu. Shalom. Nous bénissons Dieu ce matin. Je suis personnellement dans la joie de vous retrouver encore. Alléluia. Vous êtes beau, vous êtes rayonnant et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons prier pour les offrandes. Père, dans le nom de Jésus, ce matin nous te disons merci pour ce que ton peuple t'a offert, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce et toute forme d'offrande ce matin. Nous prions que tu les agrées, Seigneur, et en retour, notre Dieu, nous prions que tu bénisses ton peuple, que tu sécurises ce que nos mains entreprennent, Seigneur, que tu protèges l'emploi de tes enfants et que tu donnes à celui qui n'a pas, enfin que dans ta maison il ne manque de rien, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'ai aussi le privilège de vous donner un briefing. Vous savez, à la fin de l'année passée, nous avons, sous l'inspiration de notre papa, nous avons fait des offrandes. Vous vous souvenez? Chacun a apporté quelque chose en guise d'action de grâce. Il y a des gens qui ont donné de l'argent pour leur alliance avec le Seigneur. Alors, tout cet argent a été dédié à soutenir la mission. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia, acclamons bien Jésus. Donc ce matin, même si tu es assis ce matin ici, ton argent est en train de parler de toi auprès de Dieu en faisant la mission. Alléluia. Amen. Nous avons acheté des instruments pour Dungu et Niangara. Nous avons acheté 3 motos pour Niangara, Dungu et Walikale. Et au moment où je vous parle, les 2 motos sont arrivées à Niangara et à Dungu et les instruments sont à Isiro pour arriver dans la zone. Acclamons bien Jésus. Votre argent parle de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fini. Ce même argent a été utilisé pour commencer à faire l'exploration pour les 4 autres missions. Donc des équipes sont déployées pour aller voir ce que Dieu veut que nous fassions. Et il y a aussi 2 missionnaires qui seront déployés à Niangara et à Dungu pour appuyer ces missions-là. Et c'est votre argent qui fait ce travail. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Qu'il vous donne davantage afin que son œuvre aille de l'avant. Amen. Amen. Amen. Nous avons quelques actions de grâce. Nous avons reçu un garçon dans la famille du couple Osé et Nela. Une naissance d'une fille dans la famille de Jean-Pierre et Blanche. Et j'aimerais qu'on accueille bien ces enfants, un garçon et une fille. Et que Dieu continue à multiplier les enfants au milieu de nous. Ah, ce n'est pas fini. On me dit qu'il y a une autre nouvelle fille qui est née dans la famille de Lionel Katindi et Deborah Kahi. Est-ce qu'on peut bien accueillir ces enfants? Alléluia. Alors la famille Bertin rend aussi grâce à Dieu pour le soutien que l'Église leur a apporté pendant le décès de leur père. Que Dieu continue à consoler tous les frères et sœurs qui sont éprouvés pendant ce moment difficile. Alors nous allons avoir une semaine avec nos activités telles que c'est affiché là à l'extérieur. Donc les cellules demain lundi, les femmes se retrouvent mardi. Nous allons nous retrouver dans les regroupements mercredi, les femmes en intercession jeudi, et les jeunes sont dans une nuit de prière le jeudi, vendredi à 15h30, c'est la louange et adoration, le samedi, culte des jeunes. Ici, tout est affiché, vous pouvez regarder les heures. Alors, à l'exception de ce que papa a dit tout à l'heure, le samedi à partir de 8h, tous les professionnels et les ouvriers. Lakini siku ya sita kuanzia saa 2 za asubuhi, wafanyakazi wote na watumishi kanisani wanaalikwa. Donc nous n'aurons plus la réunion des hommes qui commence à 7h15, mais tous nous sommes mobilisés pour 8h. Hatutakuwa ndani ya mkutano wa wanaume, lakini sote tutajiandaa kwa kukuja pa saa 2. Tous les parents qui ont les enfants, dimanche prochain, il y aura dédicace des enfants. Watoto wote walio wazazi wote walio na watoto waliozaliwa taombewa Jumapili jao. Si vous n'avez pas encore fait enregistrer votre enfant, vous pouvez passer au secrétariat. Kama hujaorozesha mtoto wako, pita kwenye ofisi ya katiba. Nous rappelons aussi que la prière à l'ombre de l'Éternel continue chaque lundi à mercredi et Sion de lundi à samedi de 6h à 7h15. Na mipango ya maombi ya repo à l'ombre de l'Éternel kwenye commune de Goma inaendelea siku ya kwanza hadi siku ya tatu na maombi ya usubuhi inakuwa kama kawaida wiki wote mzima. Pour les professionnels, c'est à la commune de Goma de 12h à 13h. Hapo kwa commune de Goma saa 6 hadi saa 7 na nusu. Voilà, nous allons tous les supports de nos enseignements sont au département de médias, vous pouvez vous en procurer. Video na audio za mahubiri ziko kwenye office ya media. Nous allons avoir deux mariages samedi prochain. Sikia sita ijayo tutakuwa na ndoa mbili. Et nous avons des autres couples qui se préparent au mariage. Na kuna ndugu zetu wawili ambao wanajiandaa kwa kufanga. Nous allons les présenter au deuxième culte. Tutawaonesha kwa. Mais je vous donne leur nom, il y a Gaston et Fura Masika, Paluku Patien et Francine, ces deux couples se marient le samedi. Et nous voulons encourager toutes les familles qui accompagnent ces mariés à être là à 11h. Na tunaomba wale wandugu wote na jamaa zao wakuwe hapo pasa 5 za asubuhi. Il y a aussi deux autres couples qui se préparent, Dieudonné et Bijou et Rukundo Jean avec la sœur Rizik Evelyn. Wale wanakuwa wachumba. Nous allons prier que Dieu continue à les accompagner. Wanaendelea kuwasindikiza. J'aimerais accueillir les frères et sœurs qui sont venus prier avec nous la première fois. Wandugu waliofika hapa mara ya kwanza wageni. Est-ce que vous pouvez simplement lever votre main? Unaweza kunyosha mkono. Merci ma sœur, merci. Asante. Ils sont très nombreux, même là je vois. Est-ce que vous levez bien votre main, nous sommes très contents. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Tunaweza. On les accueille très très bien. Comme on sait bien le faire ici à l'Arche. Wapoke. Merci beaucoup. Alors vous allez vous lever là où vous êtes, bien-aimés qui êtes venus, et vous allez suivre les consignes du protocole. Allez à ma gauche, tous les bien-aimés, levez-vous, qui êtes venus pour la première fois, prenez votre sac, prenez votre Bible, vous pouvez aller juste à ma gauche, suivez la pancarte, pendant que l'église, nous les accompagnons. Alléluia, on les accompagne bien. La place que vous avez occupée, c'est la vôtre. On va s'élever et clôturer les cultes. Ulisse mana poshindwa nikuite ivileo nakuita nisiki Jehova semaine qui commence et recommande ta vie à Dieu, déclare des bonnes choses sur ta vie, confesse le succès de Dieu, proclame le soutien de Dieu. Ce matin, notre Dieu, nous prions que tu nous aides à marcher dans la crainte de ton nom, loin du péché, Seigneur, dans toute la pureté du cœur, dans la sanctification. Père, ne t'écarte pas de nous. Nous avons besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, une semaine pleine de succès. Que Dieu, ce que nous entreprenons réussisse. Que notre consécration à toi soit réelle, oh Dieu. Nous voulons marcher en sainteté avec toi. Nous voulons marcher en dignité avec toi. Et que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nos vies donnent gloire à ton nom, Jésus. Que nos vies parlent de toi. Que ton nom soit glorifié pendant toute la semaine. Bénis l'ensemble de nos activités. Au nom de Jésus-Christ, nous allons confesser la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours avec mes élévations multiples. Amen. Soyez bénis, nous sortons.